La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, M. Junior Junot, est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet qui vous invite à faire un trou d'un coup avec son vaste choix de camions, de voitures neuves et de voitures d'occasion pour tous les budgets. Saint-Félicien Chevrolet, 762 Boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, 418-679-1605. Tout le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent une bonne saison à tous les golfeurs et toutes les golfeuses. On va parler de golf. C'est la chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean avec Junior Junot. Une présentation de Saint-Félicien Chevrolet. Salut Junior! Salut Danny. Junior, qu'est-ce qui se passe de bon au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean? D'abord, est-ce que ça va sûrement que la belle température, est-ce que ça peut être est-ce que ça amène l'achalandage ou c'est trop chaud pour jouer? Bah bon, non, c'est un peu trop chaud, bien honnêtement. Là, en haut de 30 degrés, là, quand tu arrives à des 31, 32, ouais. Là, avec le facteur humidex, tu arrives à 35. Ça n'a pas de bon sens. Là, c'est un peu trop chaud. Bien que les gens s'organisent, jouent le matin tôt. Okay. Mais définitivement, là, au niveau de la température actuellement, c'est un peu autant que c'est trop chaud pour le terrain, là, ouais. Que c'est trop chaud aussi pour les gens. Là, je pense qu'on le sait tout, là, quand t'es à midi, midi et demi, puis il fait 34-35 degrés, là, on cherche plus de l'eau que du gazon. Par contre, est-ce que c'est le matin de bonheur, ça doit être bon? Oui, mais... Ben à 20 degrés, ça serait aussi bon, puis ça serait bon aussi dans l'après-midi. OK. Mais fait que sinon, là, c'est un ou l'autre, là, le mieux, là, c'est une température, c'est plate à dire, là, mais quand il fait moins beau pour nous autres, c'est meilleur. Mais je comprends que bon, pour les gens qui ceux-là qui sont en vacances, on veut toujours avoir des 25, 28, 29, 30 degrés. OK. Mais il faut s'ajuster, on ne contrôle pas ça à température. Il faut vivre avec ça, puis le reste, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Là. OK. Comment ça va, l'achalandage et tout ce qui est... Ben, tout encore là, l'achalandage est bon en fonction de la température. Ouais. Autant qu'il y a eu des journées, là, début juin, puis des fins de semaine, là, avec des 4-5 degrés, quand c'était beaucoup trop froid. Que là, quand c'est trop chaud, fait que, quand la température est agréable, là, ben, parfaite pour le golf, le chalandage est excellent. Malgré tout, là, on a du monde, là, on a quand même, les résultats qu'on a jusqu'à date sont très bons. Mais par contre, c'est sûr que si la température serait un petit peu moins clément qu'elle est là, pas drôle à dire, là, ben, l'achalandage serait de beaucoup meilleur. Là. OK, OK. Qu'est-ce qu'il y a-tu des beaux résultats, des bons coups? Ben, là, pour l'instant, là, je te dirais que ce qu'on est en train de préparer, c'est un calendrier, parce que là, depuis une semaine ou deux, là, on a eu l'autorisation du gouvernement depuis il y a deux semaines, d'organiser des tournois autant régionaux que locaux. Ce qui fait en sorte que là, bon, on s'est penché la semaine passée sur un calendrier d'activités avec des tournois. Donc, bientôt, là, on va pouvoir sortir nos activités avec les dates. Là. Il a fallu changer des dates là, en fonction là, des contraintes qu'on a eues en début d'année. Fait que c'est là qu'on en est là, présentement. Là. OK, OK. Donc, le bar aussi, ça doit aider pas mal, là. Ben, le bar, l'ouverture du bar, oui, là, un peu, là, mais, c'est sûr que le bar, c'est dans les gros événements que c'est là que c'est réellement payant, là, puis que les gros revenus sont dans ces grosses activités-là. Mais là, pour le moment, on n'a pas eu du tout de ces activités. Fait que ça fait en sorte que c'est sûr que c'est plus difficile là, pour le bar, mais ça, on le savait en début d'année, fait qu'on avait prévu nos choses en fonction de ça. Ouais. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour pour cette semaine, mon ami Danny. On rappelle que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet.